ces deux petites roulettes que j'ai pour pas que je puisse tomber. Parce que tu sais, dans ce monde, personne viendra te ramasser. Alors voilà pourquoi, pourquoi je fais ça. Pour toute cette violence et combat perdu d'avance. Pour tous ces mecs qui flanchent et commencent à perdre patience. Parce que d'autres nous baissent avec beaucoup trop d'aisance. Et que chaque drame que la vie nous lance déséquilibre la balance. Tous ces drames que la blanche lance. Parce que j'ai vu trop de mères pleurer de la mort d'un de ces gosses tués. C'est pour eux, c'est pour ça. C'est trop de pères partis sans passer pour une nouvelle vie. Voilà pourquoi je rappe. J'ai vu trop de filles abusées par les mecs de son quartier. C'est pour eux, c'est pour ça. Et trop de fils à se tuer entre le shit, les bastons et les condés. Voilà pourquoi je rappe. C'est pour eux que je fais ça. Tous ces gens-là qui soient d'ici ou de là-bas. Ceux qui se mangent chaque matin, putain, la vie c'est ça. C'est vrai que c'est pas très kiffant quand t'as pas d'argent. Le seul moyen d'en faire, faire des trucs salement. Tu le dis sûrement, et si seulement tout pouvait devenir comme avant. Ou même vivement que je trouve une femme, fasse des enfants, que j'arrête ces conneries. Tout simplement, on se dit tous ces trucs, ça n'arrive qu'aux autres mais pas à moi. Mais tu crois quoi, la vie ça tient à quoi. Si te reste qu'une ficelle, alors accroche-toi. Bats-toi, lâche pas tant que tu tiens droit. Elle ne casse pas, n'abandonne pas. Dis-toi que la roue tourne et un jour elle viendra à toi. Parce que j'ai vu trop de mères pleurer de la mort d'un de ces gosses tués. C'est pour eux, c'est pour ça. C'est trop de pères partis sans passer pour une nouvelle vie. Voilà pourquoi je rappe. J'ai vu trop de filles abusées par les mecs de son quartier. C'est pour eux, c'est pour ça. Et trop de fils à se tuer entre le shit, les bastons et les condés. Voilà pourquoi je rappe. Ouais, c'est pour ça, c'est pour ceux qui taffent dur sup pour être sûr de ramener la caille à la casa en essayant de garder le cœur pur. Pour ceux qui se battent, se hâtent que la France change, que Sarko retrouve sa cape. L'État nous manipule avec si peu de tact. Alors te demande plus la cause de notre âge, mais faut rester sage et serein car les plus vaillants finissent tous là-haut. Je rappe pour eux, pour tous ces héros. Eux n'avaient pas froid aux yeux des Coluche à Balavoine. Eux disaient tout haut, la France et ses défauts, ce qu'on pense c'est tout bas. Je rappe pour eux, pour tous ceux qui se battaient pour nous. Parce que j'ai vu trop de mères pleurer de la mort d'un de ces gosses tués. C'est pour eux, c'est pour ça. C'est trop de pères partis sans passer pour une nouvelle vie. Voilà pourquoi je rappe. J'ai vu trop de filles abusées par les mecs de son quartier. C'est pour eux, c'est pour ça. Et trop de fils à se tuer entre le shit, les bastons et les condés. Voilà pourquoi je rappe. Parce que j'ai vu trop de mères pleurer de la mort d'un de ces gosses tués. C'est pour eux, c'est pour ça. C'est trop de pères partis sans passer pour une nouvelle vie. Voilà pourquoi je rappe. J'ai vu trop de filles abusées par les mecs de son quartier. C'est pour eux, c'est pour ça. Et trop de fils à se tuer entre le shit, les bastons et les condés. Voilà pourquoi je rappe. Parce que j'ai vu trop de mères pleurer de la mort d'un de ces gosses tués. C'est pour eux, c'est pour ça. C'est trop de pères partis sans passer pour une nouvelle vie. Voilà pourquoi je rappe. J'ai vu trop de filles abusées par les mecs de son quartier. C'est pour eux, c'est pour ça. Et trop de fils à se tuer entre le shit, les bastons et les condés. Voilà pourquoi je rappe. Parce que j'ai vu trop de mères pleurer de la mort d'un de ces gosses tués. C'est pour eux, c'est pour ça. C'est trop de pères partis sans passer pour une nouvelle vie. Voilà pourquoi je rappe. J'ai vu trop de filles abusées par les mecs de son quartier. C'est pour eux, c'est pour ça. Et trop de fils à se tuer entre le shit, les bastons et les condés. Voilà pourquoi je rappe.